Section 39 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. Deuxième partie. La Révolution communale par Arthur Giry et André Réville. Un jour vint où les villes revendiquèrent auprès de leurs seigneurs des garanties contre l'exploitation arbitraire dont elles étaient victimes, où certaines d'entre elles réclamèrent et obtinrent une autonomie relative, où cessèrent et s'émanant que dédaignait l'évêque Adalbéron traitèrent avec leur maître sur le pied d'égalité. Ce mouvement d'émancipation des villes, qui s'étendit à toute l'Europe occidentale de la fin du Xe au XIIIe siècle, a reçu le nom de Révolution communale. Origine des institutions urbaines. Comme il arrive souvent, les historiens ont cherché des causes profondes et compliquées à ce phénomène très simple, et en ont reculé l'origine jusqu'à l'Antiquité. Les uns ont pensé que cette révolution ne fut que la résurrection d'anciennes institutions romaines. Ils se sont plu à relever toutes les ressemblances extérieures du système communal et de l'organisation municipale romaine à l'époque de la décadence, notamment les termes de municipium, consul, libertas romana, souvent usité au Moyen-Âge. Cette doctrine est aujourd'hui abandonnée, car rien ne subsista, nous l'avons vu, du régime que Rome a infligé aux cités. Quant aux coïncidences qui avaient frappé ces historiens, elles s'expliquent facilement par l'emploi de la langue latine et par la nécessité où l'on se trouvait de désigner les institutions nouvelles par des vocables antiques, plus ou moins appropriés à cet usage. D'autres érudits, tels que Léo, Eichhorn, Maurer, Hegel, etc., en Allemagne, ont cru qu'il fallait chercher ces mêmes origines, non à Rome, mais dans les institutions germaniques, apportées en Gaule et en Italie par les invasions. Le régime domanial, l'organisation de la villa, de la marche, de la centaine ou du village avec leurs officiers aurait recelé dès l'origine tous les éléments qui, en transformant et en s'accommodant aux besoins du temps, devaient fournir peu à peu les rouages essentiels du système municipal du Moyen-Âge. Sans s'arrêter aux critiques de détail que provoque chacune de ces théories, on peut leur adresser le grave reproche de ne pas expliquer la révolution communale. Pourquoi ce mouvement s'est-il précisément produit à cette époque et non auparavant? D'où vient-il qu'il ait affecté des formes très variables, qu'il ait éclaté à la fois en d'anciennes villes et en des villes récentes, dans les cités d'Italie, où le souvenir de la civilisation romaine s'était peut-être conservé, comme dans celle du Nord, où l'influence germanique s'était si fortement exercée. La véritable cause de l'émancipation des villes fut plus immédiate. Elle fut tout entière dans la transformation économique et sociale qui se produisit du Xe au XIIe siècle, dans la renaissance du travail et de la production sous toutes ses formes, qui alors réveilla l'Europe. Depuis la fin du Xe siècle, le monde féodal s'organise. Au sein de l'universel morcellement, un ordre relatif prévaut. Ce n'est plus l'anarchie des temps antérieurs, et chaque seigneur s'efforce d'organiser et d'exploiter son fief au mieux de ses intérêts. De nouveaux marchés sont ouverts, des relations s'engagent de ville à ville. Les trafiquants se multiplient et s'aventurent loin des murailles qui les protègent. on recommence à pratiquer des échanges. Le commerce local se rétablit. En même temps, la société qui périssait d'ennui dans les villages et dans les bourgs contracte le goût des voyages, des aventures, des pèlerinages, jusqu'en Terre Sainte. Le monde s'étend, l'esprit s'élargit, les relations se rouvrent entre le Nord et le Sud, l'Occident et l'Orient. Le grand commerce renaît. La conséquence s'en fit immédiatement sentir sur les villes. Pauvres et faibles par nécessité, quand il n'y avait pas de trafic, elles se repeuplent et s'enrichissent. Bientôt, les habitants seront en état de résister à leur seigneur. La meilleure preuve à l'appui de cette thèse, c'est que la marche de l'émancipation suivit précisément les grands courants commerciaux de ce temps. Les premières villes qui se soulèvent sont les cités d'Italie. Puis, ce sont les villes du Rhin, cette grande voie d'échange qui reliait le nord de l'Europe à la zone méditerranéenne, et les principaux centres de la Flandre, du Hainaut, de la Picardie, c'est-à-dire les métropoles commerciales du Moyen-Âge. D'autre part, ce furent les marchands qui dirigèrent dans chaque ville la révolution communale. Leurs associations furent les berceaux des communes, et souvent leurs salles de réunion, leur guildhall, la halle au drap, comme à Beauvais, à Ypres, à Arras, fut le premier hôtel de ville. Mais, dira-t-on, pourquoi ces marchands organisèrent-ils partout la résistance à leur seigneur? D'où vient-il qu'ils surent, de tous côtés, grouper leurs concitoyens autour d'eux? C'est que partout les villes souffraient des mêmes maux. Les préambules des chartes de communes font à ce sujet les aveux les plus éloquents. Louis VII confirme la commune de Mantes à cause de l'oppression excessive sous laquelle les pauvres gémissaient. Les comtes de Ponthieu assurent des libertés aux villes d'Abbeville et de Doullens pour les soustraire aux dommages et aux exactions que les bourgeois ne cessaient d'éprouver de la part des seigneurs du pays. Le mal que ces documents signalent était sans doute ancien. Il avait dû, dès longtemps, provoquer des plaintes. Mais quand il y eut dans chaque communauté urbaine une aristocratie marchande, enrichie, hardie, capable de consacrer ses ressources à l'œuvre de l'émancipation commune, des doléances l'on passa aux actes et la révolution commença. Conditions favorables des villes du Midi de l'Europe. Elle se déchaîna de très bonne heure sur les bords de la Méditerranée, en Italie et en Provence. Ici, les vieilles cités n'ont jamais cessé d'être en relation d'affaires avec l'Orient, et leur trafic, quoique réduit par l'universelle désorganisation qui sévit sur l'Europe au commencement du Moyen-Âge, ne semble pas avoir subi d'interruption complète. Même les villes nouvelles se sont assurées une part, souvent considérable, de ce commerce. Non seulement Venise, Gênes, Amalfi envoient leurs galères dans l'Empire byzantin, mais une cité de moindre importance, comme Arles, entretient avec la Grèce des rapports assez réguliers pour qu'on les mentionne dès 921. Au XIe et au XIIe siècle, quand se répandit la passion des pèlerinages et des croisades, ce commerce alla grandissant, non seulement avec Constantinople, mais surtout avec les infidèles. Aussi les communautés urbaines, dans le Midi, furent-elles de bonne heure plus riches et plus peuplées qu'en aucun autre pays. Il s'y forma une bourgeoisie opulente, habituée à la pratique des affaires, capable de résister aux seigneurs et même de triompher d'eux. Et cela, d'autant mieux que ces villes, à la différence des bourgs septentrionaux, n'étaient pas habitées seulement par des roturiers. De petits nobles y vivaient aussi, chevaliers, vavasseur, capitaine, habitué à commander, à manier l'épée indépendante à l'égard des hauts barons, d'autant plus jaloux de leurs prérogatives qu'il n'en possédait peu, toujours prêt à soutenir les citadins dans leurs revendications. Alliance précieuse aux bourgeois, puisqu'elle leur assurait ce qui leur manqua trop dans le Nord, le concours d'hommes d'armes. D'autre part, les seigneurs du Midi, plus civilisés, d'esprit plus ouvert et plus perspicaces, s'intéressaient non seulement à la guerre et à la croisade, mais aussi au commerce qui les enrichissait, en enrichissant leurs sujets. Ils saisirent plus vite, peut-être, l'avantage qu'il y avait pour eux à affranchir des populations travailleuses, d'autant plus prospères qu'elles seraient plus indépendantes. Et ils ne témoignèrent pas aux efforts des communautés, une hostilité farouche et opiniâtre, comme cela se vit ailleurs. Enfin, les souverains étaient bien éloignés. Le roi de France ne devait guère intervenir en faveur d'un vassal comme le comte de Toulouse, menacé par les visées ambitieuses de ses manants. L'empereur allemand ne paraissait jamais en Provence et ne faisait en Italie que des expéditions rapides et rares. Bref, les circonstances les plus diverses se rencontraient pour rendre prompte, facile et complète l'émancipation des villes méditerranéennes. Les villes de la Provence et du Languedoc. L'émancipation des communautés de Provence fut précoce, comme celle des cités italiennes, et pour les mêmes causes, mais un peu plus tardives. Si les cités italiennes parvinrent, dès le XIe siècle, à la plénitude de la liberté, celles de notre Midi commencèrent seulement à se transformer à cette date, et ce travail d'affranchissement, moins favorisé par les circonstances, se prolongea jusqu'à l'année 1200 et au-delà. Il est très difficile de fixer avec plus de précision l'époque à laquelle les villes de la France méridionale réussirent à se soustraire à l'arbitraire seigneurial. Il faut se garder en effet de croire qu'elles ne jouirent d'une certaine indépendance que du jour où elles furent en possession d'un acte de commune et d'une administration municipale nettement organisée. Ceci n'arriva qu'assez tard. Les plus anciennes chartes de franchise qui leur aient été concédées datent du XIIe siècle et ne sont point antérieures aux chartes de liberté octroyées aux villes du Nord. Plusieurs même furent seulement rédigées dans les premières années du XIIIe siècle. Or, à cette époque, ces communautés jouissaient depuis longtemps déjà, en fait, sinon, en droit, d'incontestables privilèges, et quelques-uns d'entre eux pouvaient avoir une origine très reculée. Arles, par exemple, dont l'histoire fut très orageuse, et qui, en 1154, n'avait pas encore de franchise officiellement reconnue, puisque l'empereur Frédéric Ier remettait cette cité à l'archevêque, en pleine seigneurie, cum omni integritate sua, possédait certains droits dès le XIe et même dès le Xe siècle. Les habitants prenaient part à la vie publique. Les plus considérables étaient consultés lorsqu'il y avait de grandes décisions à assumer, et leur approbation était mentionnée expressément dans les actes d'intérêt général. En 962, le comte Boson passe une convention avec l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, en présence de tous les hommes d'Arles, et sur le conseil des principaux arlésiens, suit une liste de noms. 100 ans après, entre 1065 et 1079, une donation du comte au même monastère reçoit encore l'approbation des citoyens, et tous ceux qui sont présents la ratifient. Et cependant, il ne sera pas de longtemps question de charte, ni d'organisation officielle. À Moissac, dès 1067, le comte de Toulouse concède des privilèges aux habitants, et c'est seulement dans la première moitié du XIIe siècle qu'ils reçoivent un texte de coutume. À Nîmes, le 7 mai 1080, l'archevêque convoque les citoyens, civès, en assemblée générale pour approuver une donation à une église. Tous s'y rendirent, est-il dit. L'archevêque agit par la volonté et sur les prières des seigneurs et des citoyens. Cet acte fut confirmé et corroboré par tous les citoyens de la ville. Mais, dira-t-on, ces habitants ne jouaient peut-être, en ces diverses circonstances, qu'un rôle d'assistant muet, purement formel. Or, voici un cas où ils font à coup sûr preuve d'initiative. La scène se passe à Carcassonne, à la fin du XIe siècle, entre 1096 et 1107. 485 personnes, représentant la communauté, prêtent serment au comte de Barcelone. Peu après, vers 1107, un autre groupe prend les mêmes engagements, non pas envers ce dernier, mais envers son rival, le vicomte Bernard Hatton, en ces termes. Nous, hommes connus de Carcassonne, chevaliers, bourgeois et tout le reste du peuple et des suburbains, nous te promettons fidélité. Ils se prononcent selon leurs préférences, se conduisent en gens indépendants, non comme des manants, mais comme des vassaux. Et cependant, la première charte de privilèges octroyée à cette ville date de 1184. Il était indispensable de multiplier ces exemples pour établir combien cette évolution à rebours fut générale. Comment expliquer cette contradiction? Il est probable que dans le Midi, l'émancipation commença de très bonne heure, dès la fin du Xe siècle, que, ne rencontrant pas d'opposition irréductible, elle se fit peu à peu, s'étendit sans secousse, suivant les besoins du jour, par une série de précédents qui, à force de se répéter, firent loi, et qu'il s'établit ainsi un état de fait mal déterminé, très variable d'une ville à l'autre. Plus tard, un jour vint où l'on voulut rendre ces conditions régulières officielles, définitives, où l'on fit la théorie de la réalité. Ce jour-là, on donna à ces villes des chartes de franchise qui, peut-être, ne leur assuraient pas un privilège de plus. Cette hypothèse est confirmée par le texte même des coutumes d'Albi. Elle date seulement de 1220. Et cependant, les habitants exerçaient assez d'influence dès l'an 1035 pour obtenir la construction du pont. Mais qu'étaient ces coutumes? Le résumé des vieux usages publics en 13 articles et rien de plus. Elles furent consignées, est-il dit, après enquête faite par les veillards de la cité qui recherchèrent quelles avaient été anciennement les libertés et les coutumes. Calitaire, libertates, et consuetudine, stelleran antiquitus. Il en fut de même à Montauban. Aussi, peut-on dire, en somme, que la charte de commune, très tardive dans les villes du Midi, fit moins une concession de privilèges nouveaux que la consécration et tout au plus l'extension de franchises anciennes. Il ne faut donc pas s'étonner que l'émancipation sous cette forme modeste, lente, insaisissable, se soit faite par des voies pacifiques, sans guerre, sans drame. D'ailleurs, certaines circonstances spéciales étaient de nature à la favoriser. La plupart de ces villes étaient partagées entre plusieurs seigneurs, laïcs et ecclésiastiques. Ces propriétaires mitoyens, ces co-seigneurs, perpétuellement en lutte entre eux, trouvaient dans la population des alliés possibles qu'il fallait ménager, gagner à leur cause. À la faveur de ces conflits, les communautés virent sans doute leurs privilèges s'accroître. Arles, par exemple, était divisée au XIIe siècle en 4 villes enfermées dans des enceintes particulières. La cité, qui appartenait à l'archevêque, le vieux bourg, qui se partageait entre les comtes de Provence, l'archevêque, la famille Porcelet, le marché, relevant de l'archevêque, qui en avait inféodé une moitié au vicomte de Marseille et l'autre au viguier d'Arles. Enfin, le bourg neuf, domaine du seigneur des Baux. On devine si les rapports entre ces barons batailleurs devaient toujours être cordiaux et le parti que les habitants pouvaient tirer de leurs désaccords. À partir du XIe siècle, ils soutinrent généralement leurs prélats dans leurs interminables querelles avec les comtes de Provence. Plus tard, au XIIIe siècle, quand la France et l'Empire se disputèrent la Provence, quand Charles d'Anjou conquit cette province, le peuple d'Arles prit parti pour l'empereur. Grâce à ces divers conflits, son indépendance se développa. Ainsi, les communautés d'habitants se trouvèrent associées par leurs seigneurs eux-mêmes aux intrigues de la politique. Elles constituaient une force publique et n'eurent qu'à faire payer leur concours. Insurrection dans les villes du Languedoc. Il y eut cependant quelques cas d'insurrection populaire, mais seulement dans les derniers temps, quand cette évolution touchait à son terme. En 1188, Toulouse se souleva contre son comte, Raymond, et la guerre civile éclata. À Montpellier, les consuls furent excommuniés en 1142 pour avoir chassé leur seigneur, Guillaume. Les Nîmois, peut-être en 1207, se soulevèrent contre le connétable et le viguier du comte de Toulouse. Ils firent mourir le viguier, ravagèrent ses domaines, saccagèrent sa maison, pillèrent le palais comtal et un moulin qui en dépendait, refusèrent au comte l'entrée de la ville, y introduisirent ses ennemis et se substituèrent à ses officiers dans l'exercice de la justice criminelle. Mais l'épisode le plus dramatique se produisit à Béziers en 1167. Les bourgeois se plaignaient d'être opprimés par leur vicomte. Au cours d'une expédition que faisait leur seigneur, Raymond Trencavel, un bourgeois de son armée se prit de querelle avec un chevalier et lui ravit un cheval de charge. Le seigneur livra le coupable au chevalier et ceux-ci, dit mystérieusement le chroniqueur, le punirent d'une peine légère à la vérité, mais qui le déshonorait pour le reste de sa vie. Les bourgeois jurent de se venger, et la campagne finie, ils supplient le comte de laver cet opprobre qui rejaillissait sur eux tous. Raymond explique avec bienveillance qu'il s'est vu contraint d'apaiser les chevaliers de son armée, qu'il réparera volontiers le mal et prendra conseil des principaux habitants. Au jour dit, il se rend à l'église de la Madeleine et avec l'évêque, il attend les bourgeois. Ils arrivent revêtus de leurs armes et dissimulant les poignards. L'offensé se présente, demande à Trencavel s'il est prêt à le venger. Le vicomte répondant de nouveau qu'il s'en remettra au conseil des seigneurs et à l'arbitrage des citoyens. Les conjurés tirent leurs armes, se précipitent sur Raymond et malgré l'intervention de l'évêque, le tue devant l'autel avec ses barons. Son fils Roger est chassé. 2 ans après, cependant, il fut rétabli. Mais il dut jurer à la commune de ne pas venger son père. À peine réinstallé, il ordonne à ses troupes aragonaises de procéder au massacre général des habitants. On ne fit quartier qu'aux Juifs et aussi, dit le chroniqueur, aux femmes, que les soldats épousèrent ensuite pour repeupler la ville. Tels sont à peu près les seuls cas de sédition municipale dans le midi de la France. Sans aucun doute, il y en a eu d'autres, dont le souvenir, faute d'analyste, n'est pas venu jusqu'à nous. Toutefois, le silence des écrivains et des chartes ne s'expliquerait pas si les exemples avaient été fréquents. Les villes du Nord. L'émancipation des villes dans la France, du centre et du Nord, en Germanie et en Angleterre, suivit de près l'affranchissement des cités méditerranéennes. Les premières étincelles jaillirent en Flandre, sur les bords du Rhin et dans nos provinces du Nord-Est. Dès 1957, les habitants de Cambrai, profitant de l'absence de leur évêque, se liguèrent et eurent l'audace, à son retour, de lui fermer les portes de sa ville. En 967, l'abbaye de Saint-Arnoul de Metz octroyait une charte de liberté au bourg de Morville-sur-Seille, et quelques années plus tard, en 984, elle en accordait une autre au domaine de Broc. En 1003, l'empereur Henri II reconnut des privilèges au bourg du Cateau Cambrésis. Toutefois, ce furent là des cas rares et prématurés, et plus d'un demi-siècle se passa avant que de nouvelles tentatives se fissent jour. Mais cette fois, elles se multiplient. Saint-Quentin a conquis son titre de commune avant 1077 et Beauvais avant 1099. Arras devient indépendante au cours du XIe siècle. Noyon s'émancipe vers 1108. Valenciennes en 1114. Amiens entre 1113 et 1117. Corbie aux environs de l'an 1120. Soissons en 1126. Bruges, Lille, Saint-Omer vers 1127. Gand et Liège peu d'années après. Ce fut le temps héroïque de la révolution communale. Dès lors, le mouvement s'accentue. Les velléités d'indépendance se propagent de ville en ville. Les cités affranchies font école. Leur succès enhardit les autres. Le courant atteint son maximum d'intensité au XIIe siècle et dans la première moitié du XIIIe. Puis il s'affaiblit lentement. Il avait fait son œuvre en 200 ans. Les villes, alors, ont obtenu satisfaction. La carte de l'Europe féodale est jalonnée du nord au sud, de l'est à l'ouest, de communautés indépendantes ou privilégiées. L'esprit public s'est pénétré d'une notion nouvelle, celle de la ville libre. Le vocabulaire politique s'est enrichi d'un mot nouveau, celui de commune. Cette œuvre d'émancipation ne se fit pas sans de grandes difficultés. Les communautés urbaines étaient moins peuplées, moins riches, moins fortes dans le nord que sur les bords de la Méditerranée. Et d'autre part, la féodalité seigneuriale y était si puissante que les manants semblaient incapables de l'entamer. Enfin, le roi de France, le roi d'Angleterre et l'empereur allemand étaient proches, et il paraissait assuré qu'il soutiendrait avec énergie leurs vassaux. Le clergé et les villes. Le clergé se montra particulièrement intraitable. On a souvent cité le mot fameux de l'abbé Guibert de Nogent. Commune, non nouveau, non détestable. Ce fut bien là le sentiment général des gens d'église. Chroniqueur monastique, prédicateur, évêque, déclamé à l'envi contre ces conspirations turbulentes, factueuses, qui ébranlaient l'ordre social dans ses bases. Yves de Chartres, l'un des prélats les plus éminents de son temps, affirmait en 1099 aux doyens et aux chanoines de Beauvais qu'il n'était pas forcé de tenir le serment prêté aux récentes coutumes de la cité. De tels pactes, disait-il, n'engage personne, ils sont nuls, parce qu'ils sont contraires aux lois canoniques et aux décisions des saints-pères. L'évêque Étienne de Tournai, au XIIe siècle, manifestait son horreur pour ces cités de confusion, en termes plus violents encore, sinon plus élevés et d'un goût plus pur. « Il y a en ce monde, disait-il, trois troupes criardes, et même quatre, auxquelles on n'impose pas silence aisément. C'est une commune de manants qui veulent faire les seigneurs, des femmes qui se disputent, un troupeau de porcs qui grognent et des chanoines qui ne s'entendent pas. Nous nous moquons de la seconde, nous méprisons la troisième, mais Seigneur, délivrez-nous de la première et de la dernière. » Le synode de Paris, en 1213, jetait l'opprobre sur ces associations que des usuriers et des exacteurs ont constituées dans presque toutes les cités, villes et villages de France, appelées vulgairement communes, qui ont établi des usages diaboliques tendant au renversement de la juridiction de l'Église. Enfin, la papauté elle-même, d'Innocent II à Boniface VIII, fit souvent retentir sa voix dans ce concert de malédictions, surtout quand il s'agissait de villes ecclésiastiques. Grégoire IX excommunia solennellement les bourgeois de Reims qui s'étaient soulevés contre leur mère, l'Église, qui avait expulsé leur père, l'archevêque, et qui s'était approprié son bien, en quoi ils ont outrepassé la férocité des vipères. Les seigneurs et les villes. Quant à la féodalité laïque, au début, elle ne témoigna guère plus de tendresse aux associations urbaines. Par elle, disait Guibert de Nogent, avec rage, les censitaires cessent d'être soumis aux charges arbitraires dont les serfs sont accablés. Voilà bien, en effet, ce qu'était la commune aux yeux des seigneurs. Leur toute-puissance était limitée. Leurs revenus, leurs prérogatives politiques et judiciaires étaient amoindries. En face d'eux, une collection de vilains s'arrogeait une part de leur pouvoir. Aussi, la plupart au XIIe siècle opposèrent une résistance énergique à ces prétentions. Le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, épouvanta les villes de ses domaines par une série d'exécutions sanglantes. Toutefois, l'hostilité qu'ils témoignèrent à l'émancipation des villes fut moins vive, moins générale et surtout moins tenace que celle du clergé. Quelques-uns, les besogneux, plus avides d'argent que de pouvoir, se rendirent aux arguments sonnants que les riches communautés firent tinter à leurs oreilles. D'autres, comme les ducs de Bourgogne, les comtes de Nevers, aidèrent à l'émancipation par politique, pour s'assurer des alliances contre des seigneurs voisins, et notamment par opposition aux implacables seigneurs d'Église. D'autres furent assez intelligents pour comprendre qu'en affranchissant leur ville, ils aidaient à la prospérité et à l'extension de ces localités, et qu'ainsi ils en tireraient des revenus supérieurs à toutes les taxes arbitraires qu'ils pouvaient infliger à de misérables serfs. D'autres, enfin, parmi les plus puissants, comme les ducs de Normandie et les comtes de Champagne, surent prévenir les insurrections en accordant spontanément des franchises, et loin de combattre le courant d'émancipation, ils crurent plus habiles de le diriger et de le contenir. Seulement, ces divergences se produisirent plus tard, depuis le déclin du XIIe siècle. Dans le principe, semble-t-il, les féodaux avaient été unanimes à combattre les efforts des villes. Le roi de France et les villes. Comme les féodaux, et pour les mêmes raisons, nos rois, dans le principe, refusèrent l'indépendance aux villes de leur domaine. Louis VII, comprima rudement une tentative de sédition à Orléans. Mais sur les terres de leurs vassaux, où ils intervenaient en qualité de suzerains, ils n'avaient pas les mêmes raisons de se prononcer et d'agir. Sur ce point, leur politique, qui ne s'inspirait pas d'un principe fixe, manqua de netteté et de suite. La tradition historique attribuait autrefois à Louis VI l'honneur d'avoir affranchi les communes. Il n'en est rien. S'il est vrai que ce prince confirma nombre de chartes concédées par les seigneurs, il n'hésitait pas d'autre part à secourir de ses propres armes les barons en lutte avec les communautés rebelles. L'évêque de Noyon, les abbés de Saint-Riquier et de Corbie. En la même année 1112, il protégea la commune d'Amiens et détruisit celle de Laon. Très sensible aussi à l'appât du gain, il offrait volontiers l'indépendance aux villes. À Beaudenier comptant, quitte à se retourner contre elle, s'il y trouvait plus tard son avantage. Devant la place de Laon, que l'évêque et les bourgeois se disputaient, son appui fut littéralement aux enchères. Son successeur Louis VII vit plus clairement, semble-t-il, que les communes sur les terres des vassaux, des redoutables vassaux, étaient des alliés naturels de la couronne au camp de l'ennemi, et qu'il était de son intérêt d'aider à leur développement. S'il sauvegarda les droits des archevêques de Reims et de Sens, des évêques de Beauvais, de Chalon-sur-Marne, de Soissons, des abbés de Tournus et de Corbie, en revanche, il multiplia les concessions de Chartres et soutint les villes émancipées contre l'hostilité des seigneurs. Philippe Auguste accentua cette politique. Il confirma les chartes accordées par d'autres, et même il affranchit nombre de communautés dans les pays qu'il réunit à la couronne et jusque dans le domaine. Mais il leur fit payer son appui, leur imposa sa protection, jetant d'une main des libertés, tandis que de l'autre il étendait la suprématie royale. Cette bienveillance systématique était tardive, car la révolution communale s'achevait à cette date. Aussi peut-on dire, en résumé, que les villes rencontrèrent au début une universelle résistance, qui chez les uns ne désarma jamais, et chez les autres s'amollit ou se transforma au gré de leurs intérêts. La commune jurée. Le moyen qui permit aux habitants des villes de préparer la lutte et qui souvent leur assura la victoire fut, semble-t-il, le même partout, ou peu s'en faut. Ce fut celui de la conjuration. Les habitants, nous le savons, se liaient entre eux, en diverses associations, qui portaient des noms variés, guildes, amitiés, fraternités, banquets. Les plus importantes par la richesse et les plus élevées dans la considération publique étaient les sociétés de marchands ou de commerçants, parfois désignées sous un vocable particulier, suivant le genre de trafic spécialement pratiqué dans chaque ville. Ici, c'était l'association des navigateurs, là, celle des drapiers, ailleurs, celle des changeurs. Elle n'avait pas en principe de caractère politique, mais presque partout, les circonstances aidant, elles se transformèrent en de véritables ligues, groupèrent derrière elles le reste des habitants, leur firent jurer de rester fidèles à la cause publique, et fortes de cet accord et du serment prêté, elles traitèrent avec les seigneurs au nom de la population tout entière. Le procédé fut le même dans toute l'Europe septentrionale, en Allemagne comme en France, en Flandre comme en Angleterre. Le plus souvent, la commune ne fut que l'extension d'une association privée, mais puissante. Quelquefois, il est vrai, ce même rôle fut joué, non par une association de marchands, mais par une confrérie religieuse, à Châteauneuf, bourg contigu à la cité de Tours, la confrérie de Saint-Éloi organisa la conspiration et proclama la liberté en 1305. À Poitiers, les 100 pères qui formaient le corps de ville se recrutaient dans la confrérie de Saint-Hilaire. Encore, est-ce peut-être une exception plus apparente que réelle, et ces associations n'étaient-elles parfois que des corps de marchands, groupés sous une invocation religieuse. Telle fut la confrérie de l'Assomption de la Vierge, qui suscita, dit-on, la commune de Mantes. Quant aux corporations d'art et métiers, elles ne dirigèrent nulle part le mouvement. Le menu peuple était trop humble, encore, pour exercer sur les événements une action profonde et coordonnée. Il suivait les impulsions et les accentuait aux besoins, mais ne les donnait pas. Ainsi, la commune sortit en général d'une ligue de tous les habitants groupés sous la foi du serment par l'aristocratie bourgeoise, d'où le terme de commune jurée, par lequel on désigne souvent les villes libres du nord de la France au Moyen Âge. De là aussi le nom de conjuration, donné par les chroniqueurs à ces séditions urbaines. Turbulenta conjuratio facti communionis, est-il dit de Beauvais à la fin du XIe siècle. Les seigneurs craignaient fort ces conjurations, qui armaient des villes entières contre eux. Un conflit ayant éclaté en 1208 entre les Lyonnais et leur archevêque, la sentence qui l'apaisa attribuait tout le mal au serment requis des citoyens et stipulait qu'ils avaient juré de ne plus jamais faire de conspiration de ce genre, de ne plus prêter aucun serment de commune ou de consulat. Il ne suffisait pas aux marchands d'organiser la commune, de la faire jurer aux habitants. Il fallait surtout obtenir du seigneur qu'il l'accueillit ou la subit. Fin de la section 39, enregistrée par Margot.